hola, Claudicia. Ditene mon bala ni kape banga fi kusa fa apika mo. Ditene mon bala ni kape banga fi koli so ake mo. Ditene mon bala ni kape banga fi wali so ake mo. bravo, qui m'a frappé. Qui s'y bravo, qui m'a frappé. Qui s'y bravo, qui m'a frappé. Qui s'y bravo, qui m'a frappé. Yeni kolyansi walitimbi ça te plaît vraiment. T'aimes mes goûts, Bako t'aimes mes goûts, Kango yo t'aimes mes goûts, Bosongo et Tingigi goûts, Napongo et Tingigi goûts, Nambio et Tingigi goûts, Borto Paris et Tingigi goûts, Nakano et Tingigi goûts. Fatou Issa Deborah. Avec Samir, papa pense à vous. Yeah. Afala tala soye keinga tendani ho. Afala tala soye keinga tendani regisse ho. Afala kana Paris. Afala kana Bordeaux. Afala kana Lyon. Afala kana Tamena. Afala kana Kuala. Afala kana Bongo. Tiazo, c'est son aïeteré mingi. Na devant ta famille, n'a la lettine zappa. A qu'est-ce les casse et sala, si égatere oko. Confiance, Césaire. Société, PCT Ding. Cérémonie, en alando, c'est qui séparation. Libere na mongba e baba go mo mando a pe. Le meilleur, hein?